parler des Saguenay de Chicoutimi plus régulièrement cette année, avec le chroniqueur des Saguenay, celui qui est à la description des matchs des Saguenayens, Sébastien Morin. On le connaît tous, Sébastien. Ça fait 4 ans qu'il est à l'emploi des Sags comme descripteur. Et question de savoir un peu comment ça s'est passé tout au long de la fin de semaine des Saguenay. Il était évidemment au deuxième match au Centre Vidéotron. On le rejoint. Salut Sébastien. Sébastien, d'abord, avant de parler du Centre Vidéotron puis de tout Fafa, on t'a connu à Radio X, évidemment, tu étais descripteur des Sags, mais tu étais également, on t'entendait en ondes. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Maintenant, tu es employé permanent des Saguenay, c'est quoi ton rôle? Exactement, on appelle ça coordonnateur des communications, promotion, aussi du marketing. C'est un nouveau poste qui a été créé cette année. Quand Kick a décidé de ne plus radiodiffuser les matchs des Sags, je me retrouvais sans emploi à ce moment-là parce que j'avais déjà signifié à l'employeur que Sébastien faisait partie du deal avec les Sags parce que j'adore ce travail-là de créer des matchs de hockey. C'était vraiment une chose qui était importante et qui me tenait à cœur. Puis ben, les Sags m'ont fait une offre que je ne pouvais refuser, c'est-à-dire de m'impliquer dans le domaine des promos et des communications. Ça prend quelqu'un de passionné, je pense que je le suis. Ça prend quelqu'un qui aime l'équipe, je pense que j'aime l'équipe aussi. Donc, ça devrait très bien aller dans ce travail-là. Okay. Ton rôle, en fait, c'est de... Parce que, bon, on t'entend, t'es descripteur des matchs des Sags, mais c'est rien que 2 matchs par semaine. Donc là, tu t'organises les promotions, tu organises le marketing, c'est quoi? Tu organises les médias sociaux, j'imagine, c'est toi qui as le contrôle là-dessus aussi? Exactement. Il y en aura de plus en plus au long de la saison. Là, dans le dernier mois, honnêtement, j'ai été surpris par la charge de travail. Un match d'ouverture, là, les amis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Même si on a fait les choses de façon assez sobre cette année, ça reste qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser, à organiser, à coordonner les promotions, tout ça pendant ces matchs-là. Puis en plus, je décris les rencontres, ce qui c'est pas toujours très, très évident pendant les jours de match. Mais tu sais, il y a rien d'impossible dans la vie. Puis j'adore vraiment ce que je fais présentement. Puis j'espère que ça va se poursuivre. OK. Hier, c'était l'ouverture, en fin de semaine, l'ouverture du Centre Vidéotron. Tu étais là pour la deuxième rencontre. Évidemment, on a partout des éloges du Centre Vidéotron. On lit partout. Ouais. Le seul commentaire négatif que j'ai lu, ça, c'était plus un show de TVA qu'un show de hockey. Ça, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais la bâtisse comme telle, c'est vraiment là à la fine pointe. Quand on dit que c'est une des plus belles bâtisses en Amérique du Nord, ils n'ont pas tort. Non, effectivement, là, regarde, dans les dernières années, j'ai visité le Nassau Veteran Coliseum à Union Bell. C'est pire que l'ancien Colisée Pepsi. Ça ressemble beaucoup aux catacombes de certains arénas douteux de la région. Après ça, j'ai visité le Prudential Center au New Jersey. J'ai visité l'Arena Canadian Tire Center à Ottawa et aussi le Centre Bell à Montréal. C'est pas mal des petites choses qu'on est allé chercher à gauche et à droite. Le Centre Bell, bon, c'est plus gros que le Centre Vidéotron. Il y a à peu près 3000 sièges assis de plus. Puis ça paraît dans la structure. Ça a l'air un petit peu plus petit, le Centre Vidéotron, que le Centre Bell. Mais mis à part ça, c'est un amphithéâtre de toute beauté. Ce que j'avais apprécié du Prudential Center, le domicile des Devils du New Jersey, à mon passage à Newark au New Jersey, c'est l'air ouverte. C'est quand tu vas dans les concessions, tu vois encore ce qui se passe sur la patinoire. Et on a amené ça au Centre Vidéotron. Puis on me dit qu'on est allé chercher la pente de certains amphithéâtres. Entre autres, à Ottawa, ce que je trouve, c'est que peu importe l'endroit où tu es assis dans l'amphithéâtre, tu vois bien. Et c'est la même chose qu'on a réussi à reproduire au Centre Vidéotron. Puis ce qui est magique, c'est quand tu diriges au vestiaire des Sags ou des Remparts ou des futurs Nordiques éventuellement, il y a un corridor qui mène à la patinoire avec une loge, puis il y a des gens qui peuvent aller manger et voir les joueurs se préparer avant le match et passer le corridor pour s'en aller sur la patinoire. C'est une idée totalement géniale. Les installations, c'est des installations dignes des plus grandes équipes de la Ligue nationale de hockey. La galerie de presse, hyper fonctionnelle. J'avais de la place pour 25 personnes dans mon booth pour décrire la match. Ouais, j'ai vu ça hier sur les médias sociaux, t'as posté plusieurs photos de ton endroit. Magique. T'avais une belle vue. C'est sûr que là, tu compares, tu te remets ça, c'est pas les insulter, mais tu te ramasses à Victoriaville, tu te ramasses au centre Benoît Gartin à Hull, c'est pas du tout la même affaire. Tu dois pas être dans la même... Non, définitivement, mais bon, Québec, c'est un gros marché, c'est un marché qui va être en transition dans les prochaines années. Je ne sais pas comment les Remparts et les Nordiques vont réussir à combiner pour avoir des spectateurs. Puis tu sais, hier, il y avait 15 000. Et dans les prochaines semaines, ils réussiront pas toujours à avoir 12 puis 13 000 dans les estrades. Les Remparts de Québec, ça va être une équipe de dernier tiers, là, et même très, très bas. Je pense qu'ils vont terminer loin derrière les Sags à la fin de la saison, même si les Sags ont perdu hier par la marque de 4 OK. On va parler maintenant des matchs de fin de semaine. C'est pour ça qu'on va se parler toutes les semaines. On fait un peu un compte-rendu de ce qui s'est passé, mais Sébastien, je pense que les Saguenayens, ça va être une équipe très jeune, d'ailleurs 5 joueurs de 16 ans, mais ça va être une équipe qui va se battre à tous les matchs, hein? Exactement, c'est le but que les Sags se battent match après match. On l'a vu dans le camp d'entraînement depuis le début. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de revenir de l'arrière, beaucoup de caractère, capables de jouer physique aussi, en espérant que ça se poursuive tout au long de la saison. C'est une équipe jeune, mais avec beaucoup de talent. Et on a vu ça par le passé, des équipes avec beaucoup de talent, même s'ils étaient jeunes, causer certaines surprises. Je ne dis pas que les Sags vont remporter le championnat cette année, loin de là. Mais dans 2 puis 3 ans, on aura les armes pour le faire, c'est-à-dire une défensive plutôt redoutable. Hier, là, il y avait 6 joueurs de 16 ans sur la patinoire contre les Remparts. Puis ils s'en sont très, très bien sortis. Les genoux devaient claquer dans le grand centre Vidéotron, puis ils ont très bien fait ça, ce qui nous donne une bonne indication que le futur, là, je pense qu'on est sur la bonne voie chez les Sags. Oui, c'est encore une fois une énième reconstruction dans les dernières années. Il y a eu beaucoup de changements dans l'organisation, personnel hockey, personnel administratif. Mais je pense que de la façon dont ça a été fait par Yannick Jean, le repêchage, 5 choix dans les 2 premières rondes, les 2 Russes qu'on est allé chercher au repêchage européen et les individus qu'on est allé chercher via le marché des transactions, qui sont de très bonnes personnes et surtout des bons joueurs de hockey, ben ça nous indique que ça devrait bien aller. OK, dans le match de 2-1, parle-moi du match de 2-1 samedi. Devant 2000 personnes en passant, c'est pas beaucoup, 2000 personnes pour un match d'ouverture. Ben, il y avait 2100, juste à dire qu'à Rimouski, ils ont eu 2006 avec la levée de la bannière, le match d'ouverture. Donc, je pense qu'il y a une baisse, puis ça fait partie un petit peu de l'ouverture de la saison, l'ouverture du centre Vidéotron. Je pense que le côté marketing de la patente, ça a été un peu... T'sais, on avait beau faire n'importe quoi, n'importe quelle promo, tout ce qu'on parlait, c'était l'ouverture, premier match des Remparts contre les CNIC, puis l'ouverture du centre Vidéotron. Ça a peut-être causé un peu de problème à toutes les organisations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pas grand monde qui ont foulé le building pour le match d'ouverture, à part Québec, puis c'était pour les gens que l'on connaissait. Mais pour le reste, le match s'est très bien déroulé. Défaite de 2-1 contre l'équipe qui potentiellement devrait finir premier à la fin de la saison, les Cataractes de Shawinigan. Les Cataractes, j'ai parlé avec quelques joueurs de l'organisation par la suite, puis on m'a dit qu'ils avaient trouvé le match très, très, très difficile contre les jeunes Saguenayens. Tu sais, c'est une équipe de bas de classement, les Sags, peut-être, avec des jeunes joueurs, les joueurs de 16 ans, la plus jeune équipe au Canada. Les Cataractes, une équipe à maturité qui doit aller remporter les honneurs cette année. Puis après ça va être difficile avec les départs vers la Ligue nationale de hockey et tout ça, avec le jeune Girard qui était encore une fois excellent. C'est tout un joueur de hockey, honnêtement, malgré sa petite stature classée dans le top 30 d'ESPN pour le début de la saison, pour le prochain repêchage de la Ligue nationale. Ça va être tout un joueur à surveiller cette année, puis les Cataractes sont en voiture. Mais j'ai bien aimé ce que les Sags ont fait, malgré le petit nombre de tirs au filet versus le grand nombre du côté des Cataractes. Ben, ça a donné un bon match, puis Julio Bilia a été étincelant samedi, puis il a été très bon hier aussi contre les Remparts du côté de Ok, et hier, donc, j'écoutais ou je lisais les pauses de Michel Tifot. Les Saguenayens ont été dans le coup, vraiment. Ben, ils ont été dans le coup, ils n'ont pas dit en prolongation, mais ça a été tout un match, encore une fois. Exactement. Puis avant que les Remparts mettent ça 3-3 en fin de troisième, Artyom Maltsev, le défenseur, a fait une passe laser, que l'on dit du côté de TVA Sport, une saucer pass, là, une passe tir à Timothée Simard, qui a fait dévier le tir sur le poteau. Ça aurait mis les Sags en avance 4-2. Je pense pas que les Remparts auraient eu le temps de marquer 2 buts à la fin du match. C'est devenu 3-3. Une mauvaise pénalité. En prolongation, d'habitude, on n'appelle rien. Sauf quand un défenseur envoie la rondelle directement chez les spectateurs. C'est un règlement qui est écrit, qui est clair. C'est peut-être la seule chose qui est claire dans les règlements des officiels. Il n'y avait pas le choix de l'appeler. Ça a donné un 4 contre 3 parce qu'on part de 3 contre 3 et on devient 4 contre 3 quand il y a une pénalité. On ne joue pas à 2 contre 3. Un joueur qui a contourné le filet derrière a lancé devant le filet. Ça a dévié sur le patin de Samuel Billier et ça a rentré derrière Julio Billier qui a donné la victoire au Remparts. Mais quand même, c'est un gros point de classement qui a été obtenu par les jeunes Sags hier. Puis, à part les 5 premières minutes, là, ils ont très, très bien fait ça devant près de 15 000 personnes. Prochain match en fin de semaine? Oui, vendredi contre les Voltigeurs de Drummondville à 19h ici au Saint-Georges, puis dimanche contre les Remparts de Québec ici au Saint-Georges, le deuxième duel contre les Remparts, les rivaux de la 175. Je pense que, pas confirmé encore, mais au moins Roy et Zoukinov devraient être de retour. Peut-être que dans le cas de Paquin-Boudreau, ça va prendre quelques jours supplémentaires. On devrait en récupérer au moins deux des trois pour la fin de semaine. C'est deux des trois joueurs de premier trio qui nous manquaient en fin de semaine pour les OK, Sébastien, on s'en parle lundi prochain à la même heure. Avec plaisir. Sébastien Morin, descripteur des matchs des 5.